Salatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Donc on continue. Donc je vais reprendre le dernier hadith. Enfin, pour expliquer. Donc, thlathul munjiyat. Trois qui vont sauver la personne. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en secret et en public. Ainsi que le juste milieu lorsque tu es riche et lorsque tu es pauvre. Ainsi que le fait d'être juste dans l'agrément et dans la colère. Donc on a expliqué cela. Et la suite du hadith, c'est thlathun mulhikat. Trois choses qui périssent. Shuhun muta, qui veut dire en vérité, donc de l'avarice qui va être obéie. C'est-à-dire que tu es esclave de ton avarice. Tu es esclave de ton argent. Donc si tu es esclave de ton argent, donc c'est-à-dire que tu fais partie de ceux qui seront sous donc la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien sous ce wa'id, sous ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens où il va donc juger les gens et il va les faire périr. Donc voilà celui qui est esclave de son argent, esclave de ses bienfaits, il fait partie de ceux qui sont qui risquent de périr, qui risquent de périr. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ruh al-Qudus nafatha fi ru'i. Donc le hadith qui est connu, le hadith de Jibril lorsqu'il insuffle, lorsqu'il souffle dans le ventre de la mère, c'est les quatre paroles. Et donc il a bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que certes, donc ruh al-Qudus, c'est bien sûr Jibril alayhi wa sallam a insufflé donc en moi-même annahu laysa min nafsin tamut hatta tastakmil rizqaha wa ajalaha. Que la personne ne va pas mourir jusqu'à ce qu'elle ait complété sa subsistance et son temps. Fattakullaha wa ajmilu fit palab. Craignez donc Allah et embellissez donc cette demande. Et on a vu ce que c'était auparavant, donc l'embellissement dans la demande. Et il dit bien avant ça, craignez Allah. Donc tu te prémunis, tu te renforces d'abord par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc justement vis-à-vis de l'esprit, c'est de savoir comment on doit acquérir ses bienfaits, comment on va les retenir et comment on va les dépenser. C'est tout ça en vérité. C'est tout cela. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, afin de montrer justement ceux qui pensent que si les temps sont durs, on a le droit de donc désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ إِسْتِبْطَاءُ رِزْقِي أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته الحديث rapporté par donc on le retrouve dans Mishkat donc de l'Albani في الصحيحة donc il est authentifié par l'Albani rahmatullah alayh. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam que cela ne vous amène pas, c'est-à-dire le fait de ne pas, c'est-à-dire dans des moments difficiles, dans les moments où l'argent ne rentre pas, cela ne doit pas vous amener à rechercher cet argent dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Car ce que tu vas recevoir, hein, donc que ce que tu reçois ne le reçois que dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que les temps sont durs que ça veut dire que en ce moment-là tu vas te dire les temps sont durs donc j'ai le droit de faire de l'intérêt. Les temps sont durs donc j'ai le droit d'acheter du volet. Les temps sont durs, donc j'ai le droit de faire ceci ou de faire cela. J'ai le droit d'augmenter maintenant, alors que cette augmentation est exagérée. Ou je ne vais pas dire les défauts maintenant, si c'était une voiture ou autre, les défauts qu'il y aurait dans la voiture, afin de gagner plus d'argent. Ou essayer de doubler quelqu'un. Il y a énormément de choses, car les temps sont durs. C'est pas comme ça. Donc il dit bien le prophète que cette chose-là ne vous amène pas à ça. Donc, c'est-à-dire la difficulté de l'époque ne va pas vous amener à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, lorsque la personne est satisfaite de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé et elle est convaincue en cela, donc il aura, bien sûr, il sera, comme on l'a dit, aziz. Donc, il va avoir l'izzah. Il va avoir cette notabilité, il sera honoré, il sera honoré. Tandis que s'il fait le contraire, s'il recherche, donc aveuglément, s'il convoite, c'est des richesses n'importe comment, mais sur Allah subhanahu wa ta'ala va l'avilir. Allah azza wa jal, il va l'avilir. Il va bien sûr l'avilir. Et cette satisfaction et le fait d'être donc satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu ne l'auras que par la patience. La patience de tout ce qui est mutashabihat ou al-fudul, c'est-à-dire tout ce qui va être douteux et tout ce qui va être surplus. Tu seras en vérité patient, tu ne recherches pas ce surplus et tu ne recherches pas tes bienfaits, ta subsistance par ce qui est douteux, par les choses qui vont ressembler à ce qui va être douteux. Car bien sûr, la personne espère avec cela en plus la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que ce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui laisser pour l'au-delà, ce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner dans l'au-delà sera bien meilleur, sera donc bien meilleur. Et la qana'a, donc celui qui comprend bien cela, il résiste assez facilement à cela. Et aussi, il va bien sûr, donc celui qui n'arrive pas à se retenir de cela, c'est car il est emprisonné, ou bien il est esclave de ses passions. Celui qui est esclave de ses passions n'arrive pas à les retenir. Donc il va les laisser, c'est ses passions qui vont le guider, et en ce moment, bien sûr, il fera partie de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala, dont le prophète a prévenu par rapport à Al-Muhlikin, qu'ils vont goûter ce péril d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour pouvoir résister à cela, il faut qu'il pense aux bienfaits octroyés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au peuple auparavant, aux autres communautés, des bienfaits de toutes parts, des bienfaits de toutes parts. Il suffit de voir des gens qui vivent à côté de rivières, qui ont des terres qui poussent, où tous les fruits et tous les légumes poussent, et autre chose encore, et pourtant ils ne reconnaissent pas la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vont pas dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne vont pas dépenser dans l'obéissance d'Allah azza wa jal. Lorsque tu réfléchis à cela, ça aussi, ça te permet de mieux justement gérer justement cette situation, gérer en vérité ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé, ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé. Et ne cherche pas à ressembler à ces gens-là. Ne cherche pas à ressembler à ces gens-là. Si Allah t'a donné, comme on l'a dit auparavant, ne va pas acheter des couverts en argent pour manger dessus. Ne cherche pas à ressembler à ce genre de personne. Aussi, que la personne sache que rassembler des biens, rassembler de l'argent, ça peut être dangereux. Donc c'est pas que un bienfait, c'est aussi un danger. C'est aussi, parce que bien sûr, c'est déjà un ibtila min Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve, donc en ce moment, tu sais que tu es en vérité en examen. C'est une épreuve. Et lorsque tu es en épreuve, donc tu dois réussir l'épreuve. Tu dois penser que cette épreuve, tu dois la réussir. Donc du début à la fin. Tu cherches à réussir cette épreuve en vérité du début à la fin. Donc on revient toujours dans le fait que tu dois savoir comment tu l'as gagnée, comment tu vas la retenir et comment tu vas la dépenser. Donc comment tu l'as gagnée, comment elle va rester chez toi, comment tu vas la retenir et comment tu vas la dépenser. Et donc la personne, elle doit penser à ça, parce que mel lahu afat, donc l'argent a ses méfaits, l'argent et les bienfaits, hein, tout le risque a bien sûr ses méfaits. Et elle doit penser à ça. Elle doit penser aussi, pour cela, elle doit aussi penser au mérite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vis-à-vis des pauvres, que la pauvreté c'est pas un mal, c'est-à-dire que c'est pas un mal en lui-même si tu remercie Allah subhanahu wa ta'ala, si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien fait la dua, il a demandé à Allah de le faire vivre musulman, de le faire vivre pauvre. Il n'a pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala les bienfaits de la vie d'ici-bas. Il a demandé cela. Et qu'il regarde aussi ceux qui sont en dessous de lui. Qu'il regarde aussi donc ceux qui ont encore moins que lui. Et des gens qui ont moins que nous, il y en a énormément. Il y en a énormément, dans énormément de pays. Nous sommes pas dans les, nous, si on parlait de nous qui vont en France, on ne fait pas partie des plus pauvres. Il y a énormément de gens qui ne peuvent pas, qui sont vraiment loin du compte. Lorsque vous voyez, c'est un exemple, les Indonésiens qui vont vendre leurs terres ou qui doivent économiser 25 ans pour faire le hajj, ça veut tout dire. Les gens, s'ils ont décidé de faire le hajj l'année prochaine, ils vont commencer à économiser dès maintenant. Ils peuvent réussir, ils n'ont pas besoin de 25 ans. Donc il y a déjà une différence. Donc on peut déjà faire là le chiffre. On peut faire déjà, si on veut la multiplication, on va multiplier par 25. Donc ça veut dire que il y a 25 fois de chance, hein, que tu es plus riche que lui, on va dire. Et on connaît leur salaire, on connaît. Et autres, il est encore plus pauvre que eux. Mais c'est pour montrer qu'il y a, en vérité, énormément de gens qui sont en dessous de nous. Des gens qui ne peuvent pas donc avoir un repas pour la journée. Qu'ils ne peuvent pas avoir un seul repas pour la journée. Et quand tu penses à ça, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné la santé, il m'a donné le risque, et il a akhiri, à ce moment-là, tu donc t'auras. Donc c'est comme ça que tu vas acquérir cette qana'a, cette suffisance, cette acceptation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et il dit bien, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, et dans Ashab Sunan. Donc il dit, Anvuru ila man huwa asfal minkum. Regardez qui est en dessous de vous. C'est-à-dire celui qui a moins de moyens que vous, celui qui a plus d'épreuves que vous. Donc ce soit dans la santé, que ce soit dans les biens ou dans autre. Hein, même dans aussi l'aql, la raison, l'intelligence et tout. Hein. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous. Ne commence pas à regarder les émirs. Ne commence pas à regarder ceux qui peuvent se payer un yacht. Nathan. Donc si tu commences à penser à eux, tu vas avoir justement cette détresse. Tu vas, il va, donc il va donc pousser en toi justement cette hantise, cette détresse, et tu ne seras justement, tu risqueras de mal vivre ta vie parce que tu regardes toujours ceux qui sont au-dessus de toi et tu sais que il y a peut-être Allahu a'lam, mais il y a des chances que tu n'arriveras pas à, bien sûr, à avoir ce qu'ils ont. Donc ne pense pas comme ça. Fa innahu ajdaru an tazdaru ni'mat Allah alaykum. Donc il est meilleur comme ça, donc il est en vérité meilleur afin que vous connaissiez en vérité et que vous pouvez énumérer donc les ni'ma d'Allah, les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala vers vous, hein, c'est-à-dire sur vous. Et on avait déjà vu auparavant que, c'est-à-dire pas aujourd'hui, mais on avait déjà parlé de la personne qui se plaignait de la pauvreté. Il y a une personne qui est partie voir un savant qui se plaignait donc de, c'est-à-dire de ces moments difficiles, de cette période difficile. Et le savant donc lui a dit, vois-tu maintenant ton bras, me le donnes-tu pour 100 000 dirhams? Il dit non. Ton autre bras, il dit non. Ton pied, il dit non. Ton autre pied, il dit non. Tes yeux, il dit non. Ton ouïe, il dit non. Donc il lui énumère énormément de grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a dans son corps, il dit non. Donc il dit, moi je vois en toi des centaines de milliers de dirhams et tu te plains. Parce que tu n'es pas prêt à échanger ton bras contre 100 000 dirhams. Une grosse somme. Donc il lui dit, il lui montre que toi-même tu es déjà une grande richesse. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné énormément de ni'ma. Hein? Donc rien que vis-à-vis de ce que tu as. Donc ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne te plains pas vis-à-vis de cela. Donc, bien sûr, on avait vu qu'il y avait la patience, la science et donc la science et aussi l'action, l'acte. Donc la patience, la science et l'acte. Parce que lorsque tu le sais, donc ça te permet de savoir comment tu vas œuvrer. Lorsque tu vas œuvrer, justement, tu vas éviter tout cela. Et tu dois patienter. La patience, c'est ce qui est le plus demandé vis-à-vis des trois piliers pour pouvoir justement accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé. T'a octroyé. Car le fait que tu vas patienter, donc bien sûr, ça va perdurer. Donc ça va perdurer dans le temps. Et lorsque tu le sais, hein, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il va te donner meilleur que cela. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prépare donc ce qui est meilleur dans tous les points de vue. Donc meilleur au toucher, au goûter, à l'ouïe, à la vue et à l'akhri. Lorsqu'on parle de meilleur, c'est dans tous les sens. Tous les sens que tu as là, c'est-à-dire lorsque tu touches, lorsque tu goûtes, lorsque tu entends, lorsque tu parles, tout cela est meilleur dans le Jannah. Donc lorsqu'on dit que le Jannah est meilleur, c'est dans tous les sens. C'est vraiment tous les sens que tu as, ils seront bien sûr automatiquement meilleurs dans l'au-delà, dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est demandé aussi à la personne, bien sûr, donc de pouvoir, que si la personne n'a pas de moyens, il est possible que des gens n'ont pas de moyens, donc justement d'être, hein, en vérité, d'être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Et le prophète sallallahu, donc le Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentifié par Donc le Sahiha, on le retrouve le Sahiha, donc il est rapporté par Tabarani et Abu Nu'aym et d'autres. Il dit Tajafu an dhunub as-sakhi fa inna Allah akhizun bi yadihi kullama athar. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc taisez-vous, hein, donc ne regardez pas ou taisez-vous sur les péchés de celui qui est généreux, car Allah le prend par la main à chaque fois qu'il donne. À chaque fois qu'il donne, c'est-à-dire que celui qui donne, celui qui est généreux, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui efface ses péchés. Et on sait très bien que la sadaqa, elle éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne t'est pas permis de parler sur lui. À l'origine, il ne t'est pas permis de parler sur qui que ce soit. Mais là, on voit bien, là, il y a quelque chose qui va venir appuyer le fait de surtout ne pas parler sur ce genre de personnes. Car ce sont des gens qui sont énormément aimés par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il donne. Parce qu'il est sakhi, il est généreux. Il est généreux. Et aussi il dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, alaykum bi istina'a. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc faites le bien, c'est-à-dire faites le bien, donc tout type de bien, car il interdit, il va en vérité barrer la route au mal. Non, celui qui fait beaucoup de bien, Allah subhanahu wa ta'ala justement, il empêche le mal qu'il arrive à lui. Il va empêcher le mal d'arriver vers cette personne. C'est en vérité, donc il va vivre une bonne vie. Alors, c'est pour ça il va l'empêcher d'être touché par les maux. Il va l'empêcher justement d'être touché par les maux. Et là, on va voir quelques paroles vis-à-vis de personnes qui sont généreuses. Donc, il est authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc très généreux. Hein, il était bien sûr plus généreux que le bon vent. Lorsque les Irish al-Mursala, il parlait de ce vent qui venait du Yémen, hein, de ce vent qui venait du sud comme ça, et que lorsque les Arabes l'avaient, ils étaient contents, car il pouvait leur nettoyer énormément de choses, ou bien aussi il leur ramenait du bien. C'était un vent qui leur ramenait du bien. Donc ça c'est une kinaya. Et aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on le demandait, il disait jamais non. Il n'a jamais refusé de donner sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le moment où il donnait le plus, c'était fin Ramadan. C'est pour ça que ce hadith il vient justement par rapport au mois du Ramadan. Car le mois du Ramadan, on sait très bien que c'est prière, c'est lecture, c'est jeûne et c'est don. C'est quoi? C'est sadaqat. C'est pour ça que ce hadith il est bienvenu pendant le mois du Ramadan. Donc il est venu pour le mois du Ramadan. Avec quoi? La générosité. Le professeur était généreux, mais il est encore plus généreux pendant le mois du Ramadan. Donc voilà comment en vérité on doit être. Donc à chaque fois que quelqu'un venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donnait. Hein. Donc il a donné. Il lui a donné. Ce n'est qu'un homme qui lui a demandé. Hein. Et il lui a donné, sahih qui est rapporté par le muslim. Il lui a donné donc une brebis. Il lui a donné une brebis qui était donc entre deux montagnes. Et un homme de sa communauté aussi est venu. Il lui a dit au peuple, entrez dans l'islam. Car Mohammed donne et il n'a pas peur de la pauvreté. Ils ont dit, oh, entrez dans l'islam, car Mohammed donne, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas peur de la pauvreté. Le hadith est rapporté par les mêmes musulmans. Hein, donc ils disent bien, inna Mohammedan yu'ti ata'an, yani man la yarsha al-faqr. Hein, pour celui à Kuhel qui ne craint pas à Kuhel la pauvreté. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne craignait pas à Kuhel la pauvreté. Il le donnait abondamment. Et en plus, à Kuhel, on sait que lorsque tu vas donner, non seulement tu vas rapprocher, donc tu vas rapprocher ton frère envers toi, et donc ton frère va se rapprocher de toi, et en plus, c'est aussi un sabab de faire entrer les gens dans la religion. Parce qu'il voit que c'est une religion de générosité. Il voit qu'il y a un bienfait. Et c'est plus facile pour lui après d'accepter cette religion et d'accepter tout ce qui va venir avec dans la religion, les ordres d'Allah, les interdits, la khiri. Et aussi, on a dit que Othman, donc avait donné à Talha 50 000 dirhams. Hein. Donc il a été à la mosquée et Talha lui a dit, hein, donc il voulait lui rendre. Donc Talha a voulu rendre à Othman cet argent et Othman lui a dit non. Donc il a retenu sa main, il lui a dit non. Il a dit cela est pour toi, hein, et pour toi afin que tu puisses être noble, dans le sens que afin que tu ne demandes pas aux gens, parce que Talha n'avait pas d'argent. Il lui a dit afin que tu ne restes pas pauvre, tu ne fasses pas partie des gens qui vont commencer à demander, afin de protéger sa muru'a. Afin de protéger sa muru'a. Donc il le laisse, comme ça on n'a plus besoin de demander aux gens. Et ça va le faciliter dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont maintenant prompts à l'adoration. Si maintenant vous connaissez maintenant, c'est un exemple dans la Batul Ilm, ceux qui partent étudier à l'étranger, et des fois donc, ils ont ou un peu, donc c'est-à-dire une petite bourse. Ou voire même ceux qui partent dans certains pays où ils n'ont pas de bourse du tout, ces gens-là, ils sont aidés. Et même Abu Hanifa, il dit même s'il avait un stylo en or sur lui. C'est-à-dire que même si tu vois que si tu as l'impression qu'il a les moyens, même si tu as l'impression qu'il a les moyens, lui, tu ne le refuses pas, tu lui donnes. C'est pour ça que les ulama ont entré dans la Batul Ilm, dans Sinf, hein, ceux qui peuvent prendre de la zakat. Ils entrent dans ceux qui peuvent prendre de la zakat. Et aider ceux qui sont justement étudiants à l'étranger, et qu'il est difficile pour eux, c'est un grand bien, parce qu'en vérité, tu vas aider à la propagation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas aider à la propagation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est demander. Et ça, en vérité, c'est demander. Ça fait partie des grands biens. Le fait d'aider, mathan, quelqu'un que tu connaîtrais s'il serait parti, même si tu ne le connais pas, et tu sais qu'il va revenir pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu l'aides. Et ça va justement, ça va le faire réfléchir. Parce que si tu l'aides pas, ne t'étonne pas que lorsqu'il revient, et les gens en parlent, et ils disent, il y a des gens qui sont revenus de tel ou tel pays, ou telle université, mais ils travaillent, ils font pas d'awa. Mais lui, ben voilà, il veut manger. Et la communauté n'est pas prête à débourser pour lui, pour qu'il puisse donner des cours. Débourser, vous allez voir qu'il sera là. Comment il va faire? Comment il peut faire si lui n'est pas capable? Il n'est pas capable de donner des cours et de se parler et de patienter. Donc, il faut une aide. La communauté, elle est là. Et sachez que une petite aide de rien du tout, quand il y a énormément de personnes, si on compte 100 personnes, si chaque personne donnait 10 euros, ça lui fait 1000 euros dans le mois. Il est libre. Et à ce moment-là, il pourrait donner énormément de cours. Même si toi, tu ne participes pas au cours, c'est pas une obligation que tu sois participant. Mais aider, c'est rien. Donc, on voit que c'est quoi 10 euros dans le mois. Hein, ça fait 30 centimes par jour. Qui n'est pas capable de donner en vérité 30 centimes d'euros par jour, si on venait calculer comme ça. Ça, c'est un exemple. Et c'est des choses où il faut le dire. Parce qu'il faut crever l'abcès, il faut aider les gens. On n'a pas besoin. On a des frères qui sont sortis comme ça ou quoi. On n'est pas comme ça nos frères, comme ça en vérité, aller travailler dans ceci, dans cela, faire les marchés ou faire les ceci. Parce que justement, ils n'arrivent pas à avoir cela. Il y a des endroits où on s'est retrouvé dans le sud, c'était pas beaucoup de personnes. Ils se sont unis pour aider des frères. Ils étaient beaucoup moins que dans les communautés où il y a beaucoup de monde. Donc ils sont 5, ils sont 10, ils sont 15, mais ils sont capables de le faire. Donc c'est une question de volonté. Alhamdoulilah, on a du chiffre. Alors on veut voir les résultats de ce chiffre. Il y a du monde, mashallah. Il y a du monde. Et on sait que, alhamdoulilah, il y a des gens qui peuvent mettre ces 10 euros ou quoi. Donc en vérité, ne laissez pas passer ces choses-là. Parce que c'est du gaspillage. Parce que ça devient en vérité, entre autres, du gaspillage. Et ça rentre en vérité dans la générosité, justement, d'être proche de ces gens-là qui vont vous enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont vous éduquer et qui vont éduquer vos enfants. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il montre bien quelle différence entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. Donc il faut connaître. Allah subhanahu wa ta'ala, il vante énormément les mérites de ceux qui connaissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dénigre énormément les ignorants dans le Coran. Énormément. Ils vantent ceux qui connaissent et ils dénigrent énormément les ignorants. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, il sort plus de 130 chapitres sur le bienfait de la science. Il a sorti 130 chapitres, pas un, 130 sur les bienfaits de la science et des genres de science. Donc c'est important justement d'avoir la communauté. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple que s'il change ce qu'ils ont en eux-mêmes. Donc en vérité, on doit se réveiller. On doit en vérité, ça c'est un appel justement pour que les gens de cette région ils se réveillent et ils pensent qu'il y a des frères alhamdoulilah qui sont capables d'œuvrer, de donner des cours de ceci, de cela, donc aidez-les afin justement de pouvoir avoir quelque chose. Et on ne dit pas, comme j'ai entendu moi-même faire Ramadan, il n'y a rien, c'est pas vrai. La personne elle dit il n'y a rien. Il y avait l'autre qui faisait dans telle mosquée, l'autre qui faisait dans telle mosquée, il y avait cette mosquée, il y avait au moins, si tu énumères tous les doulous qu'il y avait, il y avait au moins 15 dars dans la semaine. La personne dit il n'y a rien. Là, il y avait 5-6 personnes différentes qui faisaient DARS, qui faisaient des cours et qui sont acceptables, ces cours, ils sont bien. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de dire qu'il n'y a rien, alors qu'en vérité, il y a quelque chose. Et justement, donc c'est pas comme ça qu'on va réussir. Il ne faut pas rentrer dans le négatif. Alhamdoulilah, il y a des frères qui sont là. Il faut être derrière eux. Au contraire, il faut venir apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est comme ça qu'on va changer. C'est pas justement dans autre chose. C'est pas dans autre chose. Donc c'est en vérité un appel qui a à voir avec justement avec cela. Qui a à voir en vérité avec cela. Il y a aussi donc un arabe qui est venu voir Abu Talha et donc il lui demande, il le questionne, hein. Il lui dit, et donc il lui a demandé par Rahim, hein, comme on voit justement lorsqu'on le demande, parce que les gens ils demandaient bi abik wa ummik, c'est pour ça l'arabe lorsqu'il disait bi abik wa ummik, toi pour dire si je demande quelque chose par ton père et par ta mère, c'était pas par rapport à un juron, c'est pas comme si on disait voilà, c'était pas le fait de jurer, c'est le fait que tu respectes vraiment ton père, tu respectes vraiment ta mère, tu les honores, donc aide-moi, c'était plus par rapport à ça. Donc il lui a demandé, et bien sûr donc Abu Talha, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il lui a demandé ça, alors qu'il il avait remarqué que personne n'avait demandé de cette façon-là, et il lui a donné 30 000 dirhams. Il lui a donné donc une somme, il lui a donné 30 000 dirhams. Donc c'est pour montrer que les gens ne laissaient pas les choses au dépourvu. Car on voit, lorsqu'on voit dans certains hadiths, et on comprend comment ils étaient lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont plaints, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les riches nous ont devancés sur les hasanettes. Ils prient comme on prie, ils font la sadaqa comme on fait sadaqa, ils font le djihad comme on fait le djihad, hein, mais de quoi, mais ils donnent du surplus de leur argent, ils donnent du surplus de leur argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur montre donc comment ils pourront faire meilleur que cela. C'est-à-dire le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dans une variante, il y a aussi la hawla wa la quwwata illa billah. Donc ils le font. Mais les riches, ils peuvent le faire ça aussi, parce que ce ne sont que des paroles. Donc les riches l'ont fait. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis voir le prophète, ils ont dit, et aussi ils le font. Et après, il a dit, bien sûr, ça c'est un bienfait d'Allah, il le donne à qui il veut. Mais on comprend dans ce hadith qu'il dit, il donne du surplus de leur argent. Parce que le surplus, c'est pas quelque chose qui est fait que pour qu'il soit stocké tout simplement. Ça ne veut pas dire ça. Hein, plâtrer, comme on l'entend actuellement. Le mot plâtrer, il tourne chez les gens. Je plâtre. Ça, t'as le droit. Lakin, dans ce plâtrage, n'oublie pas de temps en temps déplâtrer pour aider ta communauté. Car ça, c'est fait pour ça. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Alors il vaut mieux mourir avec des hasanettes que ne pas les avoir, alors que tu as pu avoir des hasanettes que plutôt que ne pas en avoir du tout. Donc on voit déjà la différence. Il y a une différence entre celui qui donne et celui qui ne donne pas. Donc là on voit qu'ils ont dit et ils donnent du surplus de leur argent. On comprend qu'ils ont un surplus, ils ont de l'argent qu'ils économisent, mais ils en ressortent et ils en donnent. Ils font des sadaqas avec. Donc voilà comment en vérité il faut être. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Donc là il y a énormément de paroles. Urwa aussi dit, donc il a vu Aïcha radhiallahu anha, hein, elle est en train de donc partager 70 000. Hein? Elle est en train de partager 70 000 alors qu'elle portait quoi? Donc là, c'était donc on voit que c'est fi al-jamal. C'était pendant donc les moments du combat. Donc c'était pas le combat et puis je pense qu'au combat. C'est pendant le combat. Donc elle avait sur elle son bouclier. Elle portait le bouclier. Donc t'es occupé. Hein? On va dire à la djihad par exemple. Où tu es occupé au combat, et malgré ça, tu es encore en train de penser à donner fisabilillah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une adoration qui va venir te faire oublier les autres. Regardez comment ils sont. Parce qu'ils essayent toujours d'être complets en vérité dans tout. Ils essayent d'être complets dans tout. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Même dans les moments difficiles, dans les moments où le cerveau est complètement impris, et pourtant ils pensent à sortir encore de sadaqa fisabilillah. Ils pensent à faire sadaqa fisabilillah. Donc on a vu un peu donc, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du comment on doit être, c'est-à-dire le fait de savoir comment faire abstraction au surplus, comment en vérité gérer son argent, comment être maître en vérité de ses bienfaits, que ce ne sont pas les bienfaits qui sont maîtres de toi. Et là on va entrer donc dans le chapitre de l'avarice. Donc Zahadith, donc c'est Zahadith qui est daif, mais on va juste le citer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit deux cas ou bien deux caractéristiques qui ne peuvent pas être réunis chez le croyant, l'avarice et le mauvais comportement. Cela, il est tarif. Et donc, il est, comme on l'a dit, le hadith qui est sahih, qui est authentique, il vient après. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, لَيَجْتَمِعُ الشُّحْ وَالْإِيمَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. Hein? فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. Donc, il dit bien, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam al-Nasa'i, l'avarice et la foi ne sont pas rassemblées, ne seront jamais rassemblées dans un cœur, dans un seul cœur, dans le cœur d'un seul serviteur. Dans le cœur d'un seul serviteur. Jamais, il dit bien, sallallahu alayhi wa sallam, abadan. Et shuh, on l'a dit, que c'est non seulement tu es avare, mais en plus tu convoites ce que les gens ont. C'est plus fort que le bukhul. C'est encore plus fort, c'est plus prononcé. Le bukhul, donc tu es avare, mais tu te contentes à toi-même, tu ne fais pas de mal aux autres. Tandis que le shuh, c'est plus fort. Alors qu'on sait bien que celui qui protège du shuh, il est justement, donc hein, il est justement, il va faire partie des muflihin, il va faire partie de ceux qui vont, hein, ceux qui se protègent de cette avarice, il va faire partie de ceux qui vont réussir. Donc ça veut dire que il n'est pas avare, donc envers lui, il n'est pas avare envers les autres, il ne cherche pas, c'est-à-dire à détruire son argent, et il ne cherche pas aussi à détruire l'argent des autres. C'est en vérité, c'est divisé en quatre. En vérité, shuh, on retrouve donc quatre tefsirs différents. C'est-à-dire vis-à-vis de lui, au niveau de le fait de la retenue, et aussi et vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres, donc ça fait deux au niveau de la retenue, et aussi au niveau du don, vis-à-vis de lui, et vis-à-vis des autres. Donc regardez, c'est grave de voir que l'avarice, hein, et avec en plus la convoitise sur ce que les autres ont, ne peut pas se rassembler avec la foi. C'est grave. C'est que tu n'as pas de foi. Hein, tu n'as pas de foi. C'est un grand problème. Alors que le croyant, il cherche justement à avoir la foi. Donc faut pas avoir justement, faut pas justement commettre ce genre d'acte. Faut pas être doté de ces mauvais caractéristiques, hein, donc justement ces défauts qui sont en vérité graves et dangereux. Et on retrouve aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la doua que vous connaissez tous, Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni, hein, wal bukhl. Donc on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ô mon Seigneur, certes je cherche protection auprès de toi contre donc la lâcheté et l'avarice. Ils sont alliés. Le prophète Sam les a alliés. Pourquoi? Car l'avare est un lâche. Parce qu'il a peur. Il a peur de ses biens. Alors imaginez-vous le reste. S'il a peur de ses biens, alors il a encore plus peur de son corps et du reste. Il a peur de donner un coup de main. Il a peur de plein de choses. Hein, non seulement, c'est pour ça que le prophète a dit bien, il est lâche. Il est en vérité. L'avare est un lâche. Voilà, l'avare en vérité est un lâche. Donc voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint entre ces deux méfaits, entre justement ces caractéristiques qu'il ne faut pas avoir. Et c'est un hadith rapporté en plus par Al-Bukhari Muslim et Ashab al-Sunan. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc il a dit à la tribu de Bani Salama, Man sayyidukum qalu yajaddu yani bayqis ala annana nubakhiluhu, hein, wa ayu da'in adwa min al-bukhl bal sayyidukum bashr yani ibn al-bara ibn ma'rur. Donc pour montrer que ils ont dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui est votre chef, et ils ont dit donc Jad ibn Qais, ils ont sorti le nom d'une personne, mais c'est vraiment un avare. Et on est tous, bien sûr, unanimes pour dire que cette personne est avare. Et il dit, et quelle maladie, hein, qui est en vérité plus grave que l'avarice. Quelle maladie qui est plus grave que l'avarice. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui enlève sa fonction de Sayyid. Il lui enlève sa fonction de Sayyid et dit, votre fonction est donc Bishr à Ibn al-Bara. Il lui donne un autre. En vérité, il fait que c'est une autre personne qui devient chef de cette tribu. On comprend que cette personne, elle pouvait être que généreuse. Parce que le prophète ici a remplacé un avare, c'est automatiquement par quelqu'un qui est le contraire, qui est généreux. Donc regardez, l'avare, il ne gouverne pas. Donc déjà, le prophète, il lui enlève sa fonction de quoi? De chef de tribu. Il lui enlève, sallallahu alayhi wa sallam, sa fonction dans Bani Salama, donc de chef de tribu. Et aussi, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est considéré comme bon, donc trois, c'est la fin de l'année, Mohliket, Shuhun Muta'a, Wahawa Muttaba'a, وإعجاب المرء بنفسه. Donc le hadith on l'a vu auparavant, on l'a vu jusque le début, lorsqu'on a parlé des trois qui te sauvent et des trois qui te font périr. Donc trois choses vont te faire périr. C'est donc le fait que tu sois esclave de ton avarice, donc c'est l'avarice obéie, donc aveuglément, et aussi une passion que tu suis tes passions, et que tu es imbu de ta personne, imbu de toi-même. Donc tu considères que tu es le meilleur, tu ne te trompes jamais. Hein, tu n'as pas de défaut, tu es habile de toi-même, il n'y a que toi, tu es le nombril du monde, tu es le centre du monde, hein, tout passe par toi. Et à ce moment-là on voit que ces choses-là vont faire quoi, le prophète lorsqu'il dit mohliket, donc ce sont des périls, hein, ce sont des périls, et certains savants disent comme quoi que c'est mohjibet, c'est-à-dire tu mérites obligatoirement de quoi, de goûter l'enfer vis-à-vis de cela. Tu mérites obligatoirement de goûter l'enfer par rapport à ça, parce que tu rentres dans les périls, parce que c'est un péril. Et même Qattabi dit, rahmallah, le shuh fil man, yani ablar min al bukhl. Donc le shuh, il dit bien que dans l'interdiction, donc le man, le fait d'interdire, c'est plus fort encore, donc c'est plus prononcé que le bukhl, qui est donc l'avarice, bien sûr. Encore une fois, on va avoir ici quelques exemples vis-à-vis des personnes qui étaient avares. Donc c'est Hikayat al-Bukhala. Hikayat al-Bukhala. Ibn Abbas radiallahu anhuma dit, donc, Kan al-Hajib rajulan min ajali al-Arab. Donc al-Hajib, c'est un homme parmi les plus nobles ou les plus illustres, les plus connus chez les Arabes. Wa kana bakhilan, il était avare. Wa kana luyqidu naran bilaylini karahatan an yaraha ra'in fayantafi'a bidu'iha. Il n'allumait même pas le feu parce qu'il ne veut pas que les autres profitent du feu. Tellement il est détesté que quelqu'un venait profiter. C'était vraiment l'avarice à l'état pur. Il ne veut rien. Donc s'il a besoin de feu, il va l'allumer que pour lui. Hein, il va se débrouiller pour que ça ne soit pas propagé. Et il éteint tout de suite. Il éteint à Kuhel tout de suite. Donc c'est pour montrer. Et là, comme c'est pour montrer quels sont, il est permis à Kuhel de donner un nom, hein, parce qu'à ce moment-là, ça ne rentre pas dans le riba. Ça ne rentre pas dans le riba parce qu'à ce moment-là, il nous montre un exemple à ne pas faire. À ne pas faire. Et donc la personne a été connue pour cela. Donc il a été connu pour cela. Donc son nom est sorti. Son nom sort. Même chose on dit aussi que Marwan ibn Abi Hafsa était aussi, faisait partie des personnes les plus avares. Elle est sortie voir le Mahdi. Hein? Donc ça, son épouse lui a dit, donc je te donne de l'argent. Donc tu me donnes de l'argent si tu reviens. Donc il était parti voir le Mahdi. Le Mahdi, c'était le gouverneur. El Mahdi. C'était le gouverneur. Donc il est parti le voir. Il lui a dit, donc si tu reviens avec quelque chose, donne-moi de l'argent. Hein? Il lui a dit, si je reçois 100 000 dirhams, je te donne un dirham. Donc, comme il a reçu 60 000 dirhams, il lui a donné un quart de dawaniq, on va dire un quart de centime. C'est des centimes, quoi. Maintenant, c'est quelque chose de trop vil. Il a reçu, il lui a dit, si je reçois vraiment une grosse somme, je te donne une pièce, parce qu'il était vraiment avare. C'est son épouse. Et si, et comme il a reçu 60 000, il n'a donné qu'une petite pièce, pour montrer comment, en vérité, les gens étaient. Et Ibn Qayyim, rahimahullah, il rassemble énormément de hikayat vis-à-vis de l'bukhala. C'est afin de voir, c'est-à-dire les gens vont savoir, mais qu'est-ce que le bukhl ? Quand est-ce que je suis avare ou pas ? Donc voilà un exemple. Tu as énormément, mais lorsque tu donnes vraiment rien vis-à-vis de ce que tu as. Vis-à-vis de ce que tu as. Donc, j'ai terminé là. Il reste combien de temps ? 6 minutes. Je pensais qu'il restait plus, je voulais laisser quand même. Rien. Je vais quand même laisser quand même. Il va nous faire profiter sur les bienfaits de la mosquée. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Tafaddal.